ce qu'on nous vend. Un citron qui est pas l'hiverne. C'est du brin ce qu'on nous vend. Bipou, bipou, un fou en berne. Au cercle du dépôt, le premier choix des temps modernes. C'est du vent ce qu'on nous vend. Bipou, bipou et baliverne. Mais fermez-la à tout jamais. Mais fermez-la à tout jamais. Et ceci pour mon gars, c'est que du pipeau. Et bon, n'arrive pas bien, que c'est effrayant. Et pas dire et voilà que c'est effrayant. Au cercle du pipeau, le premier choix des temps modernes. C'est l'hiver, c'est le plus grand. Et mon pipeau est pas l'hiver. Oh,